amis aventuriers. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de Krolanta, votre podcast hebdomadaire. On est dans le Krolanta. Aujourd'hui avec Lucas et Louis. Ça va bien, messieurs? Ah, j'ai fait un sous, mais sans appuyer sur mon bouton pour parler. Après, j'ai pas entendu. Sous, évidemment. Sous. Alors aujourd'hui, un grand programme dans cette émission. Non, je rigole, c'était tout pourri. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh là là, des scorpions, des serpents, encore des stratagèmes à la mort moelle-neu, des colliers pour la première fois de l'aventure. Et des éliminations inattendues, des massages aussi, un petit peu de réflexion. Ça fait bon un contenu un petit peu en dessous de ça, voilà. Et tout de suite évidemment la minute. C'est moi qui fais la minute aujourd'hui. Bah on dirait bien, ouais. Est-ce que t'as l'impression que l'un de nous va le faire? Bon, alors est-ce que quelqu'un a au moins l'obligeance de demander à chronomètre-en-ligne.com? Je m'en occupe. De manière à ce que je sois pas perdu. Pendant ce temps-là. J'ai écrit chronomètre en ligne. Ah bah ça marche. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Allez, vas-y. Franck Bip. Okay. Franck Bip. 3. Franck Bip. 3. 2. 1. Go. Stop. Alors, l'épisode il commence avec le scorpion là, ce salopard il est de retour et il fait chier un petit peu tout le monde sur le camp. Mais c'est pas grave, on passe à une épreuve où tout le monde doit se pendre à une corde et on s'emmerde. Ensuite, on passe immédiatement. Bon, il y a Fred et Seb qui vont se faire des papouilles par des Thaïlandaises. On ne sait pas s'il y a une happy end. Quand Fred revient, il découvre que voilà, tous ses potes un peu font des trucs pas très sympathiques dans son dos. Claire se met à chialer, Mathilde elle trouve un collier juste avant le conseil parce que l'immunité, évidemment Vincent a pas été capable de battre Clémentine, putain de merde, c'est pas possible cette connerie. Et on se retrouve du coup avec des trucs pas possibles et Mathilde au conseil qui bim dernier moment sort son collier alors que personne s'y attendait et tac, deux votes contre Claire. Si vote contre Mathilde, c'est Claire qui saute. Pas mal. Pas mal. Ouais. Et improvisation, top chrono, on n'était pas loin. Hein. T'as laissé parler tes émotions. C'est ça. Ah bah oui, c'est une minute, c'est un résumé fait avec les tripes. Allez, c'est pas grave. J'avais fait la promesse à l'épisode dernier que je le ferais et j'avais rien préparé, donc ça m'arrange plutôt. Hein. Moi ça va, je m'en suis pas mal sorti. Allez, le grand sujet. Enfin, le grand sujet, on dit le grand sujet, aujourd'hui, c'est plutôt rien du tout, d'ailleurs, parce qu'il s'est pas passé grand-chose, messieurs, dans cette émission. Hein, dites-moi. Bah, il s'est passé des trucs, mais on a un peu l'impression de... De revivre la même histoire. Exactement. Voilà, de revivre un peu des épisodes qu'on a déjà vus. Donc, comme tu disais, l'épisode s'ouvre sur... il s'ouvre comme il s'est fermé dans le dernier épisode. Il y a un scorpion qui a mordu Claire à la main, je crois, pendant la nuit. Ouais. Voilà, rien de très intéressant. Elle nous explique que si on met, que faut pas faire pipi sur sa main et qu'il faut surtout. Ah oui! Ouais, c'était quand même, ce qui est quand même vraiment une déception. Ouais, c'est vrai, c'est un peu la déception. Mais par contre, elle a dit, alors, non, t'entends, tips pour tout le monde. Elle a dit, il faut, quand on se fait piquer, comme ça, avec du venin, rapprocher la plaie d'une source chaude parce que ça gèle, hein, c'est un peu bizarre, mais ça gèle la diffusion du venin. Quand même, tips intéressant. Et se faire pipi dessus, vraisemblablement, ne sert à rien. On espère qu'elle l'a dit à Seb par rapport à sa piqûre sur la joue de la semaine dernière. Parce que... Peut-être qu'il s'est fait une golden shower. Hein. Ça, on l'a pas vu dans l'émission, mais peut-être. Shower, oui, mais golden, on sait pas. Et attendez, avant, vous avez oublié de rappeler que quand même, il y a genre Kelly qui répète en boucle en arrivant sur le camp des éliminés. C'est donc Corentin qui m'a fait tomber, puisqu'il avait 4 voix et moi 3, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas dire que c'est lui qui m'a fait tomber, parce que c'est de sa faute si j'ai été éliminé. Alors, enfin, je veux dire, dans un... Quelle pauvre conne. Non, elle m'a saoulé à faire ça. Vraiment, c'était minable. Oui, c'était assez pathétique. Et donc, globalement, bon, on passe évidemment très rapidement à la première épreuve. qui était l'épreuve de confort. Il y a eu une petite séance de ménage quand même avant, parce qu'en fait leur camp était immonde. Et c'est pour ça qu'ils sont alors, mais, alors ça, je comprends pas. On a vu la même séquence la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé en deux jours? Ils ont refoutu le bain. Oh, bah, en gros, il y avait Fred qui disait... Ils avaient rien nettoyé, ou je sais pas, je comprends pas. Voilà, bon, c'est vrai que j'étais un peu jeté, coquillage derrière le camp. Il y avait une compile de lui qui balançait des trucs à chaque fois qu'il est passé. Attends, il y avait c'était même plus quelques mouches, quoi, c'était... Là, c'était horrible. On aurait dit qu'il tournait autour de vaches. En fait. On aurait cru qu'il mangeait et vous avez chié, en fait. C'est le retour d'Ada, elle est revenue faire caca dans le camp. Et puis tout le monde fait des blagues en mode « Haha, on va tuer Seb pour pas qu'il gagne, haha, énorme !» C'est vrai qu'il y a eu ça, ouais. Ouais, trop gênant. Bon, alors, qui s'occupe de la première épreuve, là? Bon, moi, vas-y, tiens. Bah, vas-y, Louis. Ok, alors le but, c'était très simple. Il y avait des cordes qui étaient accrochées à un bâton. Chacun avait sa corde. Il fallait monter sur la corde avec un nœud en bas en mettant ses petites baskets dessus. Et il fallait tenir le plus longtemps. Et alors, Fred avait des Air Max noirs magnifiques. Et Clem avait des poils sous les bras. Et Claire n'en avait pas parce qu'elle... Mais quelle horreur! Claire, elle n'en avait pas parce qu'elle se fait épiler au laser. Donc c'est de la triche, tu vois. Mais bon, elle avait pris ses dispositions. Argument supplémentaire de détester cette chose. Bah, c'est vrai que ça la mettait pas sur son plus gros jour. Donc ce qui s'est passé, c'est que Vincent tombe assez rapidement. Clem tombe au bout de 17 minutes. Ensuite, c'est Mathilde après genre une demi-heure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Denis Brognard interview Mathilde au milieu de l'épreuve. Hop, à Mathilde, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mal aux cuisses. Bon. Après, hop, Claire tombe. Ensuite, il y a malheureusement Fredo, mon petit singe préféré, qui tombe finalement, malgré ses magnifiques Air Max One. Et du coup, c'est Seb champion. Et donc, voilà, parce qu'il est resté accroché sur sa corde depuis longtemps, c'est sa spécialité. Fredo qui était tétanisé sur cette corde. Ah, ça. Il avait les jambes tétanisées. Tétanisées, comme... Spécial dédicace à une personne à laquelle on pense. Qui se tétanise. Et oui, non, mais c'est vrai, il avait les jambes qui étaient en train de trembler. Je me suis dit, il peut pas tenir. Ah bah, je sais pas si possible. Vous avez vu, il est tombé dans l'eau, il arrivait pas à se relever. Ouais, oui, c'est ça. Il a aidé, ouais. Ouais. Bon, et alors, du coup, épreuve de confort. Soulevé de terre à 90 kg. Oui, c'est ça. Ouais, épreuve de confort et récompense de confort qui est un peu d'hygiène. Une douche, ouais, une douche. Voilà. Un massage, la bouffe, du savon, un peu de bouffe. Ouais. Donc, Denis a dit du shampoing et pour les filles de l'après-shampoing. Donc visiblement, on n'a pas le droit de mettre après-shampoing, les mecs. Hein, je vous préviens. Bah, ça explique les cheveux de Moundir. Hein. Les cheveux de Denis Brognard aussi, hein, parce que bon. Oui, c'est vrai. Le paquet de nouilles, il boucle pas seul. Bon, et Seb donc dit, évidemment, Denis leur dit, évidemment, Sébastien, vous doutez bien que vous n'allez pas profiter de ça tout seul. Et Seb, il dit, ah bah oui, je m'en doutais un petit peu. Hein. Il dit, du coup, je vais prendre Fred, il était après moi. Voilà, enfin Fred. Normal, tu vois, il normal. A la reconnaissance qu'il mérite. Bien sûr. Peut-être que Clémentine a quand même été déçue. Elle s'est peut-être dit, c'est quand même moi qui méritais le plus. Non, mais on s'en fout, enfin, c'est quand même grave. Non, mais de toute façon, on la déteste. Ouais, bon. Bien. Alors, n'en parlons pas. Donc là, on passe à la douche. Voilà, alors ils sentent le savon... Ça les rend un peu fous, quoi. Alors moi, j'aime toujours cette scène. Ah, elle est quand ils reviennent sur le camp et que tout le monde les renifle. Vraiment, ça, je trouve ça génial. C'est super à regarder, tu vois. C'est vraiment ultra glauque à chaque fois. Ah, ce qui était surtout super à regarder, c'était cette scène de douche entre Seb et Fred avec bon, quand même une tension homoérotique délicieuse, quoi. Enfin, c'était scandaleux. C'était là. Oh, mon Fredo tu vas me laver le dos. Donc, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai adoré parce que c'est mes deux préférés. Et franchement, imaginez, ils étaient revenus, ils avaient dit, bon, bah voilà, faut qu'on vous dise, on est ensemble. Là, ça aurait été trop bien, tu vois. J'aurais dit, putain, mais oui. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Mais ils ont quand même eu un massage l'un à côté de l'autre. Ce qui finalement, après, je sais pas, 30 jours d'aventure, doit pas loin de s'apparenter à un demi-coït. Bah, dis donc. Bah, et allez. C'est dit. Moi, je me souviens juste de la punchline. Que tu racontes de... Ouais. Je me souviens juste d'une punchline de Fred qui était, oh, moi, je suis fan de menthe. Et je me suis dit, putain, quand même, le mec, est-ce qu'il a ça sur son CV, tu vois? J'aime le sport, centre le cinéma et la menthe. Centre d'intérêt, menthe. En se rentrant dentifrice dans la narine, en plus. Ah, c'était vraiment trop bien. Non, mais j'ai trouvé bien parce que pour le coup, ils avaient l'air vraiment contents, quoi. Il y a un truc qu'on a envie de dire, c'est que pendant ce temps-là, pendant que Clémentine est en train d'expliquer aux autres pourquoi elle méritait de gagner le confort et pas les autres. Je sais pas si elle a vraiment fait ça, mais ça lui ressemble. Ils reçoivent une bouteille qui leur dit qu'en gros, ils peuvent aller chercher, je sais plus, de la bouffe et puis du réconfort quelque part, quoi. Comme il s'était déjà passé avec Mathilde et Corentin qui avaient dû faire un radeau pour aller explorer l'île, on leur fait comprendre qu'ils vont pouvoir faire la même chose, quoi. Et on s'ensuit un espèce de un débat pour savoir qui va y aller. Donc, si je me souviens bien, Vincent est partant dès le début, Mathilde est partante, tout le monde est partant au final. Ouais. Et la décision se fait en mode bon bah Paul Pot, enfin je veux dire Claire, Clémentine Clem. Ouais. Décide que bah vu qu'elle y est pas allée, elle a jamais fait de truc comme ça, donc c'est à elle d'aller. Et puis vu qu'elle a envie d'y aller avec Vincent, c'est Vincent qui va venir avec elle. Tout le monde s'exécute. En utilisant des arguments irréfutables tels que moi j'adore chercher en plus et vraiment j'adore ça ouvrir les yeux. Observer, oui, j'adore observer. Je la hais. Chaque fois qu'on va parler d'elle, ça se finit comme ça. Mais tu sais, il faudrait faire une version de Director's Cut de cette saison, en fait, sans elle. Parce que ça serait tellement trop bien. Si on n'aime pas cette saison, c'est qu'à cause. Enfin, si là on n'en peut plus, c'est à cause d'elle. C'est insupportable. Ouais. Je veux dire, c'est pas marrant, tu vois. Ça ne crée rien d'intéressant. Bref. Du coup, je me souviens même plus ce qui s'est passé. Ils ont trouvé de la canne à sucre. Non. Ouais, de la canne à sucre et du manioc. Dans tout ce qu'on a vu, déjà, ça a duré 2 secondes. Et Clem n'a servi à rien à part porter du manioc. Voilà. C'est ça. Bah écoute. Hein. Oui, c'est Vincent qui a tout trouvé. Bah ouais. Donc ils reviennent sur le camp, voilà, tout le monde est content, il y a ça. Il y a plus de poissons d'ailleurs, plus personne ne va pêcher, j'ai l'impression. Non. D'ailleurs, la bouffe qu'ils ont trouvée, on l'a même pas vue, on les a même pas vu la manger au final. En même temps, si c'est pour tout foutre à côté et ramener des scorpions et des serpents, si ils se sont fait un petit serpent. C'est vrai. Et ça c'est plus tard ça. Ouais, c'est un peu plus tard. En revenant sur le temps, le camp, ce qui se passe, c'est qu'on voit que Fredo, il est un peu il l'a mauvaise. Préoccupé. Il l'a mauvaise et il est préoccupé, ouais. Parce que Seb lui a avoué, en revenant de l'épreuve d'immunité, qu'en fait, il y avait un plan qui se montait, un espèce de groupe de 4, constitué donc de Seb, Claire, Clémentine et Vincent. Et que c'était, voilà, ces 4-là voulaient faire une alliance pour aller en finale tous les 4. Finalement, pas loin de l'alliance précédente qui était avec Sandro, finalement. Si je ne m'abuse. Non, parce qu'il y a Claire en plus. Non, je dis des bêtises. C'était plus tu remplaces Clem par Fred, et il y avait une alliance comme ça, je crois. Il y avait une alliance bleue. Rouge qui était Clem, Sandro, Sébastien et Mathilde, donc c'était pas du tout pareil. Ouais. Ah ouais, excusez-moi. Non, par contre, il y avait une alliance bleue qui était assez ressemblante, mais bon. Bref, Fred, il est grave mauvaise et il est un peu étonné de savoir que Claire, elle est d'accord avec Vincent, son pote, qui pense qu'il trahira jamais, est d'accord. Et donc, du coup, il va en parler à Claire, qui s'effondre complètement, qui est en mode je suis désolé. Qui explique que l'occasion était trop belle et que elle a pas pu refuser et que du coup elle est désolée d'avoir promis potentiellement de le trahir, quoi, qu'elle s'en veut. Ouais. Et bon, Fred, ce qui l'embête le plus, voilà, c'est dit moi je vais attendre le retour de Vincent et lui en parler. Et ça dure je sais pas. J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes où il disait je vais lui en parler quand il revient et puis tout. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment la chose à faire. Pendant que Clem, puisque quand même bon, faut en parler vu qu'elle est tout le temps là. Passe son temps à dire ah nana Freddy boude, enfin je veux dire nous ici personne se plaint genre faut savoir rigoler, tu niques l'ambiance et tout. Elle est en mode oh l'ambiance elle est lourde sur le camp, enfin évidemment en fait moi ça me semble abusé. Donc après Fred il essaye de quand même remettre un peu tous les trucs de son côté, tu vois. Il se dit bon les mecs vous pouvez pas me garder avec vous et tout, on peut éliminer Mathilde. Et là je me dis mais bande de couillons, vous pourriez très bien dire on décide de tout faire pour éliminer Clémentine. Il en parle un tout petit peu lui d'ailleurs. Non, il dit on lui fait utiliser son collier et on élimine Mathilde. Non mais vraiment, enfin ils sont nuls. Je comprends pas ce qu'elle leur fait. Mais enfin il y a forcément des éléments qu'on n'a pas. Sinon vraiment ils sont débiles. Je veux dire, elle est insupportable sur le camp. Elle est forcément insupportable à vivre. Je veux dire, tu la regardes, c'est insupportable déjà. Bah ouais, mais peut-être qu'elle l'est moins. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Parce que je me dis, il y a une unanimité sur elle, quoi. Vraiment. Donc. C'est pour ça que je pense qu'il y a des trucs qu'on voit pas. Ouais, mais c'est surtout avec les caméramans qu'elle se confie et qu'elle est en mode mais avec eux. Ouais. Ah, ça se trouve. Elle fait la gentille, tu sais. Elle est ultra faux cul. Elle est faux cul, mais. Ouais, c'est vrai, voilà. Très très fort, quoi. Ouais, t'as raison, c'est possible. Je pense vraiment qu'ils ont un syndrome de Stockholm XXL, quoi, vraiment. ils se disent, ah ouais, t'as vu, ah, Clémentine, elle se donne à fond sur les épreuves. Bon, on en a rien à foutre, on en peut plus, quoi. Ouais. Comment c'est possible que la France entière la déteste en la voyant 2 heures par semaine et qu'il y a des mecs qui ont vécu avec elle pendant 40 jours. Et ils la supportent. Ouais, c'est clair. C'est forcément un truc bizarre. Ouais, ouais. Bon, après, on aurait-il pas... Oula, j'ai du mal à commencer cette phrase. On aurait-il pas une petite épreuve d'immunité? Avant, il y a le petit serpent. Ouais, petit serpent. Ouais, bon, il y a un serpent, il le tue, il le mange, en fait, il risque rien. Ouais, c'est pas non plus un piton, hein. Non. C'est une couleuvre qui fait 30 cm. C'est ça. Tout ça parce qu'elle est blanche, bleue et verte. Bon, d'accord. Effectivement, ça ressemble à quelque chose de flippant. Panique. C'est qui lui tranche la tête d'ailleurs? C'est Fredo. C'est Fredo. Fred. Ouais. Bien sûr. Le dieu. En deux coups, bam. Un premier, le deuxième pour être sûr qu'elle est bien morte. Tac. Le dernier samouraï. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai. Il y a eu quand même, il y a quand même eu un truc intéressant. C'est quand même, je sais plus si on en a parlé en fait. Vincent, il a quand même expliqué à Fred que le groupe des quatre, ils se sont fait un délire et que lui, il a jamais dit qu'il voterait contre Fred. Clémentine, elle a assumé comme une grande que bah ouais, c'est bon, Vincent, il va voter contre Fred et il va le virer. Et du coup, Fred est rassuré. Fred est ultra rassuré. Il dit bon, je sais que mon cul, c'est chaud pour mon cul, mais au moins mon pote m'a pas trahi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça avait l'air de lui faire plaisir parce que c'est vrai qu'il était pas mal quand même. Bon, et puis là, du coup, comme il y a une alliance qui est quand même là, personne sait trop ce qu'ils vont faire, tout le monde dit, bon, allez, on arrête un peu de tergiverser, on verra ce qui se passera à l'épreuve d'immunité. Arrive l'épreuve d'immunité, ou épreuve classique de Koh-Lanta, avec, alors comment ils appellent ça? C'est le jeu des passerelles, hein. Ah, ils disent poutre, je crois, parce que moi, la phrase que j'ai notée, c'est Denis qui dit, face à vous. Une poutre de 6 cm de diamètre. C'est tout? Seulement? C'est déjà pas mal. Je parle pour marcher dessus, moi. Ouais, ça fait. Non, mais en vrai, dans l'absolu, c'est vrai que c'est pas beaucoup quand même. Non. Tu m'étonnes qu'il se casse la binette. Ah, mais c'est pas les mêmes. Oui, d'accord. C'est la première poutre. C'est ça. Donc, vous savez, ça se passe en plusieurs étapes. Il y a une première, donc il y a un premier passage. Ouh, il y a, donc ils étaient combien cette fois-ci? 6? Oui, ils sont 6. Je sais plus. 6, je crois. 6. Donc il y avait les 6, ils avaient chacun une poutre, ils arrivent au stade suivant, il y en a un qui est éliminé, il y a plus que 5 poutres, et le suivant 4, etc., etc., jusqu'à ce qu'il y en ait 2 et qu'ils refassent tout le parcours d'un seul coup. Donc c'est pas une poutre à chaque fois d'ailleurs, hein. C'est une poutre, d'abord c'est une planche, après c'est un escalier mou dans l'eau, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un genre de bambou rond, arrondi, tu vois, souvent un truc comme ça. Ouais. Les escaliers, je crois qu'il y en avait plusieurs. Des escaliers, mais d'un autre type. Ils étaient un peu plus flottants, je crois, un truc comme ça. Ouais, ils glissaient, je crois. Et bon, voilà, épreuve classique, vraiment. Donc, impressionnant, Vincent et il me semble que Claire avait pas mal jusqu'au bout, non? Je sais pas. Ah non. Non, elle a perdu Claire. Dès le début. C'est Claire qui a perdu en premier. Ah. Ensuite, c'était Fred qui s'est coincé les pieds dans la... Ah, c'était Mathilde dans les escaliers. Voilà. Mathilde a perdu genre un peu quand même en troisième, donc assez loin dans le truc. Re-interview de Mathilde par Denis Brognard, qui lui dit bah qu'est-ce qui s'est passé? Donc bah rien, j'ai glissé, d'accord. Et après, elle a trop mal parlé à Denis, quoi. Ouais. Et après, Seb perd pour le coup. Donc grosse déception parce que jusque-là, alors, vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Ah ouais. Entre Seb et Vincent, il a réussi à aller sur la plateforme à la fin, quoi. Ouais, entre Seb et Vincent, ça s'est joué à rien du tout. Et Clem perd beaucoup au début, hein. Beaucoup. Elle tombe à chaque fois et tout. Et puis bah finalement, elle s'en sort au moment où il fallait et du coup, elle réussit quand même à s'améliorer, quoi. Donc on peut pas lui enlever ça. Ah, et elle arrive en finale. Et là, il faut tout refaire. Donc moi, ils sont Vincent les mains et Clémentine. Disant, elle doit tout se retaper, tu vois, là où elle a pas arrêté de rater. Et puis, voilà, quoi. Donc, elle refait tout. Elle fait tout d'une traite. Ouais. Et Vincent, quasiment, il jute une fois. Ouais, et c'est ce qui va le faire perdre. Ouais. Malgré tout, on a quand même failli à la fin avoir un sprint. Il y a eu un sprint final où on a cru que Vincent allait revenir et la dépasser. Ça aurait été magnifique. Ouais, trop beau. Mais non, malheureusement, Clémentine obtient cette immunité qui l'emmène à cause de son collier d'immunité directement au carré final de cette saison, ce qui est quand même la pire chose de cette saison. Oui, mais Je préfère pas lui enlever que elle l'a quand même fait, elle a fait l'épreuve, finalement, elle s'est quand même super bien démerdée. Ah, elle a fait le taf sur l'épreuve, bien sûr. C'était comme une chef, quoi. Elle l'a pas volé, en tout cas, cette immunité. Après, sa place en finale, c'est autre chose. Bien sûr. Et donc après, ils essayent encore de refaire... Non, en fait, à partir de là, il faut que vous preniez le relais, puisque moi, je me suis arrêté là. Ah, d'accord. Moi, je me suis arrêté là, j'en avais marre, j'ai trouvé ça nul. À partir de là, j'ai regardé encore 5 minutes, et on ne voyait plus que Clémentine pendant 5 à 10 minutes de l'émission, et j'ai décidé, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre, je ne veux pas la voir plus aujourd'hui. Elle nous a fait un discours de modestie éblouissant. Alors moi j'ai regardé l'émission en vitesse 1.5 parce que vraiment je savais que ça allait être chiant, je le sentais. Et du alors coup, moi j'ai les phrases. En gros, il y a eu, comme d'habitude, des ersatz de stratégie dans tous les sens. Donc ça commence en disant on va faire ci, on va faire ça. Il y a plein de trucs qui sont faits. Évidemment ils ne sont pas suivis au conseil. On suit la recherche de collier de tout le monde. Ouais. Ouais, donc on revoit exactement les mêmes trucs, enfin, je veux dire, tu vois, on commence à la connaître par cœur, l'île, en fait, hein, maintenant. Même eux la connaissent, c'est-à-dire qu'ils en parlent en disant « Ah, je suis allé dans Jungle 3, là », enfin, on dirait... en B2, touché coulé. Grave. Et vraiment, c'est-à-dire que là, il se passe, comme d'habitude, ils réfléchissent, mais personne ne réfléchit vraiment, hein, parce qu'en fait, si quelqu'un trouve un collier, ils peuvent le contrer, en fait. C'est ça, ouais. Ils peuvent splitter leur vote pour avoir trois mecs qui votent contre quelqu'un, deux qui votent contre un autre. Ah lui, il sort son collier, il a les trois votes, ça fait un 2-2 ou je sais pas quoi. Il y avait moyen de faire des choses, mais ils ne le font pas comme d'habitude. Non. Personne, finalement, prend en compte le fait que quelqu'un ait un collier, en vrai. Tout le monde se dit, personne va le trouver, puisque moi, je l'ai pas trouvé. Voilà. Mathilde trouve le collier, vers la dernière minute. Ouais. Elle essaye de le ramener en secret, parce que son idée, c'est de ne pas le dire, pour pouvoir... Ouais. Gérer un peu et tèche qui elles veulent avec telle tèche qu'elles veulent. Et elle manque de se faire avoir par Seb, elle l'enterre dans la terre. Ouais, c'était rigolo. Moi, je me souviens un moment, elle va le cacher et elle va pas le retrouver et ça aurait été trop drôle, tu vois. Ah, oh, j'avoue, ouais. Et finalement, non. Elle le cache, elle vient le rechercher, elle le retrouve. Ouais. Alors attends, avant ça, ce qui se passe, c'est quand même tout le monde est sur le camp. Enfin, non, Mathilde fait semblant qu'elle l'a pas, elle va dans l'eau. Et là, Clémentine lui dit, tu sais, tu as une rencontre formidable, nanana, en mode, je vais t'éliminer, donc tu vas partir. Donc ça, pareil, ça me rendait fou. Après, Mathilde retrouve le chercher, réussit à le mettre dans son sac au moment de partir. Là, Clem, à nouveau, se met à dire « J'ai perdu mes culottes, où sont mes culottes ? J'adore être en culotte en plus, non, mais est-ce que vous avez vu mes culottes, là ?» Donc moi, j'étais en train de me dire « Bon, déjà, quel taré, arrête pas de parler de ses culottes. » Plus, je me disais, elle va dire à Mathilde « Je suis sûr que tu m'as pris des culottes, ouvre ton sac. » Donc là, j'avais la suite, tu vois, je m'essuyais le fond, je me disais « Non, tais-toi avec tes culottes, tu devrais te les mettre sur la tête. » Et ouais, ils partent au conseil ensuite. Je sais un peu du tout le conseil. Comme d'habitude, même les avant-conseils qui d'habitude sont un peu intéressants, là, il n'y a pas grand-chose à dire, non ? Non, il y a Mathilde qui fait des sous-entendus archi-dangereux. Je sais pas pourquoi, elle s'est sentie pousser des ailes. Il lui disait, je pense que Denis, il savait. Donc, il lui posait des questions sur la suite de l'aventure et tout. Elle répondait, non, mais c'est vrai qu'on sait pas de quoi est fait demain en fonction des colliers d'immunité. Après, c'est des merdes, ça craint. Donc, elle disait, ou des résultats des épreuves d'immunité, nanana et tout. Enfin, trop bizarre. Moi, je me disais, elle est complètement abrutie, elle va se cramer. Et puis, Ils vont voter. Là, Denis demande, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer? Mathilde dit que oui. Et la Claire fond en larmes tout de suite parce qu'elle comprend direct. Qu'est-ce que tu fous dans ta bouche, là? J'ai une tomate cerise. Fais gaffe à ta diète, hein. Ouais, en plus, elle ramasse. On t'a l'œil même pendant le podcast. Ouais, je bouffe de la mortadelle en même temps. Et donc, ils vont voter, ils reviennent, et là, la question fatidique de chaque semaine. C'est quoi la question fatidique? Quelqu'un a un collier d'immunité? Ah oui, voilà. Oui, donc Mathilde, le fout autour du cou. Et la Claire fait une tête extraordinaire. Elle met ses mains sur sa tête et après elle n'existe plus. Elle fait oh merde. En fait j'ai un gif de cette séquence en fait où Mathilde lève la main et Claire se prend la tête dans les mains. Elle fait oh merde. Et on sent vraiment que c'est la fin du monde quoi. Bah elle sent que ça craint de la schneck quoi. Et ouais comme je pense qu'elle sait même pas. Il semble qu'il y avait. Alors là moi je les ai moi. 4 et 2 non. Non. Ouais. Si. Alors je crois pas. Parce que il y a un vote double. Ah. Et en fait, alors moi, si vous voulez, on peut le faire. Vas-y. Est-ce qu'on fait comme la semaine dernière? Bah oui, bien sûr. Alors. Le son là, hein. Allez. Tu veux que je fasse le bruit de papier? Ah ouais, grave. Attends, je peux le faire si tu veux. Vas-y, c'est bon. Mathilde. Bien sûr, cette voix ne compte pas. Mathilde. Bah pourquoi elle compte pas la première voix? Ah bah parce qu'il dit qu'elle compte pas. Ah bah parce oui, c'est vrai, c'est vrai qu'elle collait. Oui, oui, mais je suis con moi. Deuxième papier. Mathilde. Mathilde. Mathilde. Mathilde. Et là, tout le monde est en train de se chier. Vous le savez, cette voix peut déjà être décisive. Et là, Claire. Et alors là, là il dit, non non, là en gros il dit, bon, Claire, en gros, si c'est quelqu'un d'autre, il y a égalité, sinon c'est pour vous. Il se passe quoi s'il y a égalité? Bah, je pense qu'ils refont un vote avec tout le monde qui vote pour les deux personnes. Ah oui, c'est ouais, vrai, c'est ils font ça. Ouais. Et là? Et là, Claire, un deuxième. Oh là là là, voilà, là, c'est là, la catastrophe. Là, là, là. Catastrophe. Catastrophe. Donc ça fait un vote de Mathilde qui évidemment a voté pour quelqu'un d'autre qu'elle et un vote de Clem qui a dit je ne peux pas voter pour Mathilde parce que c'est ma copine et je pense qu'elle a quand même utilisé son autre vote pour voter en gros le fameux vote au mérite. Triste. La dictature du mérite, la fameuse. Ouais, ouais bien sûr. Tu sais, c'est celle qui élimine celle qui est la plus aventurière. Grave. Oui, c'est ça, ouais, totalement. Surtout, elle est énervante, elle veut toujours faire comme elle veut. Nanana, bah, faire, en fait, elle avait dit de pas faire caca. Ah, c'est ça, ouais, et déjà. De pas jeter ses détritus sous son oreiller, donc effectivement, c'est vrai qu'elle est chiante. Hein. Oh là là. Et on a même pas le droit de se faire pipi sur la tête quand on s'est fait piquer. Ah, oh, c'est Wendy, triste, moi, elle aurait été bien, déçue. Je l'aimais bien. Ce qui fait sauter mon pari de la semaine dernière. C'est vrai. C'est vrai. Mais encore, vrai. Comme je l'ai dit déjà, Louis, je. Épisode 5, épisode c'est 6, vrai. J'avais déjà dit que Mathilde allait gagner. Ce qu'on verra. En tout cas, c'est un pari qui tient toujours. Ouais. Et moins... donc, ouais. À moins, vas-y. À voir s'ils veulent encore sa peau à l'épisode suivant, quoi. C'est ça. Ah, mais elle peut gagner l'immunité. Oui, oui, oui, c'est vrai, ouais. Ou trouver le deuxième collier d'immunité, d'ailleurs. Ou trouver le deuxième collier d'immunité. Et moi, je oh. me dis... Oh, ça, ça serait vraiment drôle. Trop bien. Franchement, la production... Bon, vu que là, déjà, on sait et pas à quel point ouais. ils vont influer sur le truc, mais le coup du caméraman, de toute façon, si tu veux, si t'as un peu de cervelle... Tu te dis où est-ce que je suis, où est-ce qu'est le caméraman, tu traces une ligne. C'est ça. Et normalement, le collier, ça. Il est à cet endroit-là. Bah oui, ils font que des plans où le collier est sur le truc. Bah oui. Donc. Non, moi, je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait un beau move. Enfin. Ouais, ça serait et rigolo. Qu'on utilise cette feature du collier. Et j'espère, vraiment, j'espère, je fais ce pari sur l'avenir. J'espère que dans l'épisode prochain, on va avoir Mathilde qui est toujours en danger. Bon, il y a deux possibilités. Soit elle gagne l'immunité et elle est tranquille, soit elle est toujours ouais. en danger. Et j'espère que Clémentine aurait la lueur d'esprit, vu que c'est soi-disant sa copine, de faire croire à tout le monde qu'elle va, comme elle l'a dit, sortir son collier. Du coup, personne va décider de voter contre elle et filer ouais. en discretos son collier à Mathilde en ça lui disant énorme, bon, ça. Si tu dis rien à personne, ouais. On peut y aller ça ensemble. Serait trop cool, ouais. Et ça serait trop cool. Bon après elle avait pas l'air de s'embarrasser de ça. Hein. Aujourd'hui elle bah trouvait non, ça bien. Très bien qu'elle parte. Hein. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça que c'est on la déteste. C'est vrai que ça serait cool. C'est vrai que ça serait mais cool. Mais bon, vu que c'est sa copine sur Instagram et machin chouette, moi ouais, je me dis peut-être il y a forcément s'est quand même passé quelque voilà, chose. Voilà, c'est ça, c'est je dis il y a forcément un truc, tu vois, et Mathilde est trop contente quand elle diffuse des trucs sur internet pour ne pas avoir été assez aussi loin dans l'aventure quoi. Parce qu'elle c'est est vrai, pas bien vrai. Maligne quand même. C'est les moments pas malins, il est bête, ils sont tous cons de toute façon, ils sont tous cons maintenant, faut le dire, je veux dire. Ouais. On va y aller, on va leur montrer. Ouais, et puis, alors attends, du vraiment, coup, achievement, que... bah, du coup, achievement ouais. de Krolanta, c'est d'aller faire l'émission, de revenir et de commenter l'émission. La saison ça dans laquelle t'as bien, joué. Ça, ça serait énorme. Ouf. Et... Il est con celui-là. Oh non, mais celui-là, vraiment, c'était vraiment un fils de pute. Il a chié à 3 mètres de la cabane. Je l'ai vu, moi, je l'ai vu. Exprès. Dans la cabane de Yves. Bon, alors, un avis général sur cet épisode. Attends, du coup, attends, ça finit par... Y a Claire donne après. Son double vote à Clem. Oh là là là là, mais c'est pas alors vrai. Là, on n'a pas compris. Qui donc a voté pour elle, quand même, rappelons-le. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme si... Enfin, la meuf, elle a déjà tous les pouvoirs, je veux dire, elle a un collier d'immunité. Elle a l'immunité, c'est sûr qu'elle va en finale. Les gens lui filent un putain de double vote, quoi. Elle a eu un nombre de double votes incroyable. Bah, elle les a tous eus, je crois. Non, non, Corentin, il a filé à Vincent. C'était non, Vincent qui l'avait, en fait, à cet épisode, mec. Ah ouais? C'est Corentin, il l'avait filé à Vincent. Ah, en fait, t'as raison, je me suis trompé. Désolé, désolé. C'est vrai, j'ai dit une bêtise. Vraiment, quelle connerie. Enfin, je comprends pas comment ils arrivent à l'aimer, en fait. Moi, je pense que Clem, elle y croit vraiment à son histoire de mérite parce qu'elle pense qu'elle vaut mieux que tout le monde. Donc, forcément, ouais, elle je pense qu'elle applique vraiment son histoire de mérite. Le problème, c'est qu'en fait, l'émission mérite, c'est ultra chiant. Enfin, c'est pas intéressant du tout, je veux dire. Bah, c'est surtout ça qui est pourri les dernières saisons. Bah, et puis surtout, on est tous d'accord que c'est facile de faire ça une fois que t'as viré Yacine, en fait. Ouais. Oui, et puis que t'as essayé de têche Vincent et qu'il est revenu et que tu trouves con. Ouais, c'est ça, ouais, j'avoue, ouais. Ouais, c'est, ça en est bien sorti, ouais. Ouais, c'est clair. Parce qu'il aurait pu, revenir en mode destructeur. Hein. Et monter un truc et les têche un par un tranquillement. Non, mais vraiment, cette histoire de mérite, c'est d'un ennui, vraiment. Mais, enfin, je comprends pas l'intérêt de se dire, considérer Koh-Lanta comme une compétition sportive, ça n'a pas de sens, hein, je veux dire. C'est pas une, enfin, tu fais pas une compétition sportive où t'es sous-alimenté, ça ne sert à rien, c'est autre chose que ça. Si tu veux faire du sport, tu fais du foot, je sais pas, tu fais un vrai truc où tu peux manger avant. Mais Koh-Lanta, c'est plus que du sport, hein. Faut arrêter avec ces conneries de mérite, je trouve ça vraiment insupportable. Oui. Je suis bien d'accord. Du coup, l'avis sur cet épisode. Moi, j'ai plus d'espoir, hein. Franchement, je suis impatient que ça se finisse. Ah, moi, je vais être honnête, hein, au bout de 1h10, bah, c'est simple, il était 22h10. Et c'était la deuxième pause pub. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est bientôt fini. Je me suis retourné, j'ai vu l'horloge et j'ai vu qu'il restait, quasiment une heure d'émission. Et là, je dis, ok, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir regarder jusqu'à la fin. J'ai quand même tenu. Et franchement, à ce moment-là, en fait, c'était juste la séquence où il venait d'avoir une vingtaine de minutes de rien absolu. Ou avec toute la séquence Fred et le complot judéo-maçonnique, Clémentine, Claire, machin. Et c'était nul à chier, je me suis fait trop trop chier. Et après j'ai quand même tenu jusqu'à la victoire de Clémentine. Et après vraiment là j'ai rage quit, j'ai dit ok c'est pas possible, on va montrer qu'elle dans la fin de l'émission, ça va être insupportable. Je me demande s'il y a des baisses d'audience ou pas par rapport en début de saison. Bah je sais pas, j'ai pas entendu ça pour cette émission là. Après, mais je sais pas quand est-ce qu'il compte, tu sais, l'audience. Est-ce qu'il compte au début? Le lendemain, normalement. Ah, ouais, mais tu vois, c'est sur quelle durée de l'émission, en fait. C'est tout le programme, c'est un parce moment. Parce que moi, là, vraiment, si on faisait pas Koh-Lanta, j'aurais arrêté de regarder l'émission, tu vois, tout simplement. Oui, carrément. Ouais, là, tout ce qui me motive à regarder, c'est savoir ce qui se passe. Enfin, tu vois, je pourrais lire un résumé Wikipédia de 5 minutes, ça serait pareil, tu vois. Oui. Ou juste regarder les news sur, je sais pas quelle connerie, Melty, tu vois, et c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ouais, j'allais dire, on a vu dans la preview de l'épisode prochain que, bon, Clémentine fait encore des coups de raclure de bidet. Genre, il y a, je sais plus qui dit, mais enfin, Clémentine, t'es genre la pire de toutes, quoi. Donc, il y a quand même quelqu'un qui s'en rend compte, je sais plus qui c'est. Et alors, il y a un truc. C'est Vincent. Ah, possible, ouais. Et il y a quand même un truc, c'est que, Dans la preview, on a vu tout le monde en train de pleurer. Donc d'abord Fred, après Vincent, Clem et puis Mathilde. Donc si je m'abuse, ça fait tout le monde. Pas Seb. Non, Seb aussi, ouais, à la fin. Ouais. Donc tout le monde pleure en fait. Donc je me suis dit bon, au moins peut-être qu'il y aura des engueulades un peu rigolotes. Ouais, mais est-ce qu'il y a pas un confort à la con? Ouais, il y a le père de machin qui va venir La sœur de machin. Non, si possible, ouais. Après, non, en fait, mais surtout, on voit Clem dire, ok, enfin, ils sont énervés contre elle, elle dit, bah, si c'est ça, vous votez contre moi, je sors pas mon collier d'immunité et vous pouvez voter contre moi. Oh, ça serait tellement bien, mec, qu'elle le fasse et qu'elle se fasse virer comme une merde. Mais il y a un truc, c'est que là, je pense qu'en fait, là, tout le monde est en train de se rendre, en fait, Clem va commencer à prendre la confiance parce qu'elle a gagné. Et genre, les mecs, ils vont péter un câble en mode, mais attends, en fait, c'est vraiment une connasse. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils sont, le nez dans l'eau comme des abrutis à pouvoir rien faire parce qu'elle est toute puissante quoi. Parce que là avec son double vote c'est en mode bah en fait ceux qui veulent rester ils viennent avec moi et puis les autres bah ils virent. Exactement. Alors vraiment si Clémentine gagne cette saison je dépose une main courante. Hein. T'imagines parce que normalement tu sais quand tu gagnes Koh-Lanta tu t'es invité sur quelques plateaux et tout ça, mais là, c'est pas possible. Enfin, les gens, ils vont l'entarter, quoi. Ça va être le nouveau BHL, cette meuf. Non, mais surtout, en plus, même d'un. Enfin, tu vois, je veux dire, ça. Louis, tu veux pas t'inscrire au badminton juste pour ça? Bah, tu sais que... Non, mais je peux aller à des portes ouvertes, quoi. Non, mais objectivement, elle mérite pas de gagner Koh-Lanta pour tout ce que Koh-Lanta représente. C'est ça qui est frustrant, en fait. C'est pas comme, tu vois, un mec qui est pas bon forcément en sport ou qui est moins bon que les autres. Il aurait réussi par filouterie à arnaquer tout le monde et à gagner. Ça aurait été trop bien, tu vois. Genre, le mec, tu t'y attends pas, tu dis, waouh, ouais, ok, stylé. Elle, vraiment, elle est pas... Enfin, elle est nulle surtout, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas une vraie survivante. Claire, surtout, elle a pleuré parce qu'elle a pas dit au revoir au feu. Tous les candidats... Non, c'était Claire, ça. Oui, c'est ce que je dis. Je dis Claire, ah, oui, elle a pleuré. Okay. Donc, c'est pour ça. Donc, tu vois, c'est quand même, elle est dans un autre mood, quoi. Ah oui, carrément, ouais. Mais surtout, je pense que vraiment, tous les gagnants de Koh-Lanta, ils étaient... Ils avaient sympa. Ils étaient sympas, ou en tout cas, il y avait des gens qui pouvaient éprouver de la sympathie pour eux. Mais c'était des stratèges, tout ça. Ils avaient un côté qui était sympa, tu vois. Qui faisait que tu pouvais les admirer ou quoi. Enfin, ouais, je sais pas, après, tu vois, même le jury final, là. Enfin, t'as, tu vois, les mecs, ils vont discuter. J'arrive pas à me croire que les mecs, ils vont décider de décider que c'est elle qui gagne, quoi. Vraiment, ça va m'en... Sauf s'il y a Vincent. S'il y a Vincent, peut-être que quand même, Ouais, je sais pas s'il va y arriver, hein. En tout cas, les photos, ça va être chaud pour lui. Hein. En face, il peut y avoir Seb, et Seb, pour le coup, lui, il s'est fâché avec personne. Bah ouais. Ouais. Donc Seb, ça peut le faire. Franchement, ça dépend de ce qui se passe la semaine prochaine, parce que si le mec qui se fait virer, il est remonté contre Clem, il raconte tout à tout le monde, et là, les mecs se disent, attends, mais en fait, maintenant qu'on réfléchit, elle nous a tous virés, nanana. Et tu vois, ça peut se retrouver. Ah ouais. Ça serait tellement bien. Qu'elle se fasse défoncer au conseil final. Oh là là, en disant oh, tout en disant, live, oh là là, ça serait trop bien. Tu sais, il doit faire une genre de motivation en mode de, pourquoi est-ce que vous voulez voter contre moi, pourquoi vous devriez voter pour moi, quoi. Parce que je suis la meilleure et puis je n'ai gagné aucune épreuve alors que je méritais de toutes les gagner et puis c'est toujours les mêmes qui gagnent. Il y en a que pour les bons. Je me dis, qu'est-ce qu'on aurait à dire si elle n'était pas là, tu vois, en fait. Si on faisait une émission et on dit on parle pas de Clem, tu vois. Ils sont tellement tous assez petits, tu vois, orientés, enfin... Ouais, non, ils dépendent tous d'elle, ça... je sais pas, il y a un truc bizarre, c'est vraiment chelou. Elle devrait monter sa secte, en vrai. Ouais, voilà, exactement. Elle devrait monter sa secte, et peut-être que dans 20 ans, il y aura un reportage sur 66 minutes sur la secte d'une ancienne gagnante de Koh-Lanta. Avec ses yeux de folle, là. Putain, quelle horreur. Ouais. Ouais. Vous sentez, j'espère que vous sentez un peu notre engouement. Le dépit, ouais. C'est ça, ouais. On est vraiment, ouais. Donc, épisode suivant, des larmes. C'est ça. On espère un peu de sang. Voilà. Mais bon, pour remonter un petit peu l'humeur et l'ambiance de cette émission qui devient, on a l'impression d'être au comment on appelle ça déjà, un sanitarium. C'est ça, ouais. Un peu, on traite la folie et la tuberculose. La tuberculose, c'est un peu Clem. Mais pour prendre un petit remède à tout ça, je vous propose de regarder un petit peu l'étude de la semaine. Ah, l'étude de la semaine. Bon, évidemment, tout Internet est tourné vers la haine envers Clémentine. Hein. C'est évident. Malgré tout, il y a quand même des choses mignonnes, drôles, qui ressortent cette semaine. Qu'est-ce que vous avez trouvé cette semaine, messieurs? Moi j'en ai un, je vous le fais. Donc c'est le candidat préféré de Franck qui tweet, Alban Koh-Lanta. Oh putain. Qui dit, en tout cas, à ceux qui doutaient de savoir s'il y avait des rasoirs pour les filles sur Koh-Lanta, je crois que le débat est clos. voilà, lui il dit, voilà, il n'y a pas de rasoirs sur Koh-Lanta. Moi je sais pas, ça m'étonne quand même, parce que les meufs elles n'ont jamais de poils aux pattes et tout. Moi je pense juste que Claire. Mais c'est parce qu'elles sont. Moi je pense qu'elles sont épilées au laser en fait. C'est ce que disait. En tout cas, Claire disait, moi j'ai les aisselles épilées au laser, c'est pour ça que ça a pas repoussé. Ah ouais? Mais les jambes, mec. Je pense que une meuf, elle passe 40 jours sans s'épiler, sans se craser aussi. Bah ouais, mais peut-être qu'elle a fait les jambes aussi au laser. Et en vrai, je sais pas si tu te souviens, mais sur les pattes de Mathilde, on voyait qu'elle avait des petits poils, hein. Ah ouais? Ouais. Je me souviens pas. Quand tu avais filmé ses jambes. Avec celle, soleil à l'envers, ça faisait des petits poils. Ah, ok. Ok. Je t'avoue que je faisais autre chose en même temps, donc, j'ai pas forcément vu. Louis. Ok. Moi, j'en ai quelques-uns. Alors déjà, mais j'ai peur de te les prendre, mais bon, je vais quand même essayer de les faire. Moi, c'est plus qu'un tweet, c'est un compte général. C'est Yves No Good, un compte parodique de Yves de Koh-Lanta, qui tweet tout et n'importe quoi avec une photo de Yves. Et donc, ça, justement, sa spécialité, c'est de dire « C'est dommage, c'était ma spécialité ». puisque on le rappelle, Yves est parti en disant que les puzzles c'était sa spécialité. Et donc il y a c'est dommage, la recherche de colliers c'est ma spécialité. C'est dommage, le grand blind test c'est ma spécialité. Et là maintenant, c'est dommage, la F1 c'est ma spécialité. Hashtag Grand Prix de Monaco 2017. Donc c'est vraiment très bien. Ah, après j'en ai un autre, c'est un tweet de Denis Brognard, désolé si tu l'avais Franck, qui pendant l'émission de vendredi a tweeté: les amis, pendant Koh-Lanta ce soir, cette belle découverte sur un jeu au Fidji, cette petite chèvre adorable, hashtag câlin. Et il tient une petite chèvre minuscule. Ah, elle est adorable. Trop mignonne dans ses bras. C'est vraiment, c'est avec les lunettes de soleil aviator dans les cheveux. Oh là là, un petit t-shirt bleu ouais, du marché. Et vraiment ouais, on non, voit encore curl, les plis, tu vois, quoi. Le truc qui est ouais, ouais, c'est ça. Il vient de le déballer pour faire la photo parce que sinon il était bien sûr torse nu en train d'exhiber ses pectoraux saillants. Et une belle montre d'aventurier. Non, vraiment, il est trop bien. Adorable. Et il y a Christophe Beaugrand qui répond: "Oh, tellement choupinette." Ouais, je voilà. Le déteste par contre. T'aurais pas dû le dire, mais vraiment, je ne peux pas le blairer. En attendant, il est d'accord avec toi, les choupinettes. Alors, moi, j'ai un compte aussi. Alors, déjà, je voudrais signaler pendant cette émission un comportement étrange du compte RSP Nutrition France. Voilà, il faut le préciser. Qui s'est mis à me suivre et à liker absolument et retweeter tout mon contenu. C'est terrifiant. Là, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais bon, à côté de ça, on a un mec qui a créé un compte qui s'appelle Le Scorpion de Koh-Lanta. Alors attends, faut que j'essaye de retrouver un peu ce qu'il a tweeté. Et vraiment, il a tweeté des trucs très très drôles, notamment un que j'ai beaucoup aimé, qui était peut-être son premier tweet d'ailleurs. Allez. Et son premier tweet, c'était: il mange des poissons. Bon bah désolé les gars, j'ai pas réussi à choper Clémentine cette semaine, je vais essayer de la niquer la semaine prochaine. Ah là là, c'était trop bien. Bon, depuis il en avait fait un autre, no stress, avec mes gros crayons, on va niquer sa race à Clémentine. On va la sortir sur brancard avant l'orientation. Ah, c'est vrai que ça serait bien. C'est un petit peu vindicatif. Et il y en a un autre qui chope qui les pique à la gorge, quoi. C'est, faut même pas les piquer les pieds, c'est la pince au niveau de la gorge. Tu la tues. Il y a Daredevil 36 qui a fait un montage avec la tête de Clémentine sur Gollum. Oh oui. Et je trouve que ça marche assez bien. Ah, c'était très efficace. Voilà, c'est tout pour moi aussi. Est-ce qu'on passerait pas au petit conseil? Ouais, on a skippé aujourd'hui toutes les chroniques. Hein, vous avez vu, on n'a pas trop le moral suite à cet épisode. Du coup, on a décidé de skipper un petit peu les chroniques. Parce qu'il y avait beaucoup de haine qui allait ressortir de tout ça, au final. Ça, c'est bien vrai. Et l'alcool n'est pas la solution, donc pas de jeu à boire. Hop là. Allez, le conseil. Un petit conseil, Louis, Lucas, cette semaine, ta recommandation, un petit coup de gueule? Lucas en premier. Oui. Ok, et ben du coup, moi j'avais recommandé un groupe qui s'appelle Chinese Football, qui est un groupe de ce qu'ils appellent, je sais pas, du post-rock. Donc, je saurais pas comment l'écrire, c'est du genre de rock un peu feel-good, mais en même temps un peu triste, et avec des belles harmonies. Il y a deux guitares, une basse, une batterie. C'est un groupe chinois qui chante en chinois. Du coup, ça donne un résultat assez, c'est assez déroutant en fait, parce que on comprend rien de ce qu'ils disent et on se rend bien compte. Enfin, tu vois, des fois, t'écoutes des trucs en anglais et tu fais pas gaffe, mais là, il y a vraiment un truc où je pourrais même pas te dire, c'est genre faire du yaourt avec, je saurais même pas le faire en fait. J'arrive pas à savoir vraiment ce qu'ils prononcent, quoi. Et c'est super. Et du coup, ça donne, je sais pas, ça crée ça marche super bien. En fait, du coup, en faisant un peu des recherches sur le groupe, j'ai découvert en fait qu'ils sont leur nom. C'est un hommage à un autre groupe de post-rock qui s'appelle American Football, qui avait release un album en genre 99 dont ils se sont inspirés. Et donc ils ont fait trois albums, il me semble, un en 2014, un en 2016 et un cette année. Et pour le moment, moi j'ai beaucoup écouté donc le premier album qui s'appelle c'est un album éponyme, donc qui s'appelle Chinese Football. Ils ont un Bandcamp où vous pouvez trouver les albums sur YouTube. Et j'aime beaucoup la musique et ils ont aussi genre les covers d'albums sont super belles. Ouais, la cover de l'album là, elle est genre en noir et blanc. on dirait qu'il y a des espèces de persos de manga, mais complètement genre un peu délirants, avec ils sont tous cyclopes en fait, en train de faire des ciseaux acrobatiques, ce genre de choses. Voilà, je vous conseille cet album de Chinese Football pour vous remonter un peu le moral après un épisode de Koh Lanta pas terrible. Ça me donne envie de manger du riz canto. Ah tiens, c'est... Bah... Vas-y Louis. Alors moi je vous recommande What Remains of Edith Finch, qui est un jeu vidéo du type qu'on appelle les Walking Simulator, c'est-à-dire que c'est juste un jeu où en fait on se déplace en vue à la première personne et on interagit avec l'environnement, et le but c'est plutôt de nous raconter une histoire que de nous faire avoir des sensations fortes quoi. Et alors l'histoire du jeu c'est en fait on explore une maison dans laquelle les habitants ont tous disparu et on l'apprend très rapidement sont tous morts en fait. Et ce qui se passe dans la maison, c'est quand même, les traditions sont un peu particulières. Donc quand une personne décède, on mure sa chambre et tout reste intact. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans le jeu, on joue... Ça devait être une sacrée baraque, hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que... C'est Versailles, le truc, non ? Bon, il y a une dizaine de chambres, quoi, ouais. Mais c'est-à-dire tout le monde dort pas au même endroit, du coup, c'est assez intéressant. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, en explorant la maison, on découvre des nouveaux moyens d'entrer dans les chambres. Et donc, on découvre des nouveaux destins, donc forcément un peu tragiques, puisque il y a plus ou moins une malédiction qui traîne sur la famille. Mais du coup, c'est pas... C'est pas effrayant, mais c'est pas très joyeux, hein, on va pas vous le cacher. Ça parle de thèmes un peu bizarres, donc forcément tout est autour de la mort, donc il y a pas mal d'enfants aussi, voilà. Mais c'est assez rigolo parce que on prend le contrôle des gens, on joue les séquences dans lesquelles en fait ils décèdent. Et du coup, ça permet d'avoir plein de situations assez rigolotes et assez inventives, même niveau jeu, quoi. Donc je vais pas vous spoiler, mais c'est assez rigolo, ça vaut le coup. Ça dure 2h30 ou 3h. Et vraiment, c'est un vrai voyage intéressant et dans la narration ludique et même simplement dans l'expérience de jeu tout court, quoi. Donc vraiment, c'est super cool. Essayez, ça coûte une vingtaine d'euros. Voilà. Intéressant. Okay. Merci. Et moi, cette semaine, alors je sais pas trop si c'est une recommandation, mais enfin, j'avais envie d'en parler. C'est une émission sur les gros lards. Alors. Quoi? Parce qu'en ce moment, je m'intéresse pas mal à ça. Enfin, je m'intéresse en ce moment. Oui, depuis un moment, on va dire. Et là, hier, j'ai découvert une émission sur les gros lards qui s'appelle... Alors, c'est une émission anglaise, hein, je crois. Qui s'appelle... Alors, sur les gros lards, mais aussi sur les l'antithèse, tu vois, leur némésis. C'est-à-dire les mecs... j'allais dire narcoleptiques, mais non, pas du tout. Les mecs super skinny. Et ça s'appelle justement Super Size versus Super Skinny. Et vraiment. Et du coup, ils confrontent pas, mais ils allient un gros lard et un mec avec un corps de lâche. Ils les mettent ensemble et ils les confrontent en mode regardez à quoi vous ressemblez. Et c'est juste pour leur faire prendre conscience de leur mauvaise alimentation, en fait. Et du coup, pendant plusieurs jours, le gros lard doit manger le régime face à face, hein, il mange face à face, le régime du mec qui est super skinny, et le mec qui est super skinny doit manger le repas du gros lard, tu vois. Et vraiment, alors, du coup, c'est plus, à mon avis, les gros prennent plus, en prennent plus dans la tronche que les mecs super maigres, quand même. C'est quand même orienté comme ça dans l'émission. Mais, c'est facile de les viser en même temps. Ouais. Et c'est plus, et du coup, c'est super, enfin, tu vois la lueur dans leurs yeux au moment où ils disent merde, c'est vrai que le mec il arrive pas à bouffer ce que je mange et c'est chaud. En même temps, attends, il y a 5 tables. Il y a un moment, il y a quand même un mec, ils leur disent putain mec, regarde, vous voyez une piscine pour enfants gonflable, ils la remplissent de chips et ils disent ça c'est ce que tu manges en chips en 2 jours. Il y a plein de trucs comme ça. Ils font partir un mec aux US parce que c'est des Anglais, donc ils font partir un mec aux US. Un mec qui a une vingtaine d'années, tu vois, genre comme nous, et qui fait, je sais plus, 120-130 kilos de gras, hein, vraiment de gras. Et ils vont voir une meuf qui est énorme, tu vois, qui doit faire 250 voire 300 kilos, qui peut plus bouger et tout. Qui a des escarres, des machins, il y a des morceaux de bois qui pourrissent et tout. Et ils font, t'as vu, si tu continues à bouffer comme un gros tas, voilà comment tu vas devenir. Et le mec il se met à pleurer et tout, il revient, il fait, ah, plus jamais je mange de sucre et machin. Mais alors du coup, est-ce qu'on ressent de l'empathie du coup pour eux? Ouais, carrément, ouais. D'accord, c'est bien. Bon, non, on n'était pas de se moquer, quoi. Non, pas du tout. C'est un peu, ça me fait penser à cette histoire de, tu sais, du show où ils envoient des gosses en prison. On connaît notre condition personnelle, donc on sait bien qu'on peut pas se moquer d'eux. Alors lui, je sais pas si t'as vu, mais David Lafarge a perdu 12 kilos en un mois. Ah, ah ouais, j'ai rencontré David Lafarge, hein, si on l'avait pas dit à la dernière. Et mademoiselle, comment elle s'appelle? Miss Jirachi. Jirachi. Doucement, quand même. Putain, j'ai toujours pas retrouvé cette photo, merde. Ça me rend vraiment triste. Bon, bah, c'était pas... Il l'a dit, encore une fois. Ouais, j'y ai pensé en même temps, c'est pour ça que je suis marré. Donc, vraiment, on pourrait faire un podcast sur la mort de Denis Brognard, tu vois, dans 50 ans. Quoi? On dirait, Ah, j'ai eu peur. Ouais, ça finira par arriver. Même si on faisait un podcast sur un truc terrible, donc le truc le plus terrible auquel j'ai pu penser, c'est la mort de Denis Brognard, parce que ça serait vraiment affreux. Tu finirais quand même l'émission en disant bon, c'était pas mal. C'est vrai, ouais. Hein? Bon, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, @crolantapodcast, sur Facebook, au même nom évidemment, nous écouter sur SoundCloud et PodCloud. Voilà, on va mettre un petit peu les petites musiques de Lucas en fond, le lien du jeu de Louis et bien sûr l'émission des gros tas en commentaire. Big up à tous les gens qui pèsent plus de 100 kilos. Et courage. On est avec vous. On sait pas. Ce gardez pas courage, les amis. Si vous voulez des conseils, nutrition en MP, y a pas de souci. Voilà, et on vous intégrera à la discussion fitness de moi et Franck. Si si. Allez, un petit mot, bisous. Bon voilà. Bisous, c'est suffisant. Un gros bisou. Oui, bisous. Salut. Ah! Ah! Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cavale ? Non, pas du tout, non, c'est pas ça que j'ai dit.